Bonjour à vous, chers auditeurs. Bienvenue à votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie en cette édition du 2 septembre 2010 sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors voilà, nous allons cette semaine toucher au dossier de PP tel que promis la semaine passée. Et de cette grande fraude du puits faussement colmaté et des énormes conséquences désastreuses dans toute la région du Golfe du Mexique. On va aussi traiter de l'économie mondiale et aussi celle des États-Unis plus en particulier. On va faire ensuite une petite touche, un petit survol de ce qui se passe au Moyen-Orient et de l'actualité mondiale dans le reste de l'émission qui nous restera aussi. Là, disons que ça fait beaucoup d'informations. À chaque semaine, j'ai des tonnes et des tonnes d'informations à vous passer. Alors, j'essaie de vous passer le plus important. J'aurais besoin du double, sinon du triple du temps que j'ai pour vraiment tout vous passer. Mais on va faire le tour de ce qui est le plus important. Alors, en débutant, chers auditeurs, j'aimerais attirer votre attention sur quelques petites choses. Premièrement, j'aimerais vous rappeler qu'il y a l'option balado. Si vous allez sur la page officielle de l'autre monde, vous allez trouver juste à côté du, finalement, en anglais, on dit du player, du joueur sur lequel vous pouvez trouver les émissions. Vous allez trouver une touche, un petit bouton qui s'appelle le balado, et puis en cliquant sur ce petit outil, bien, vous allez pouvoir vous abonner automatiquement à toutes les émissions qui vont rentrer, peu importe là, votre média, que ce soit votre PC, que ce soit votre téléphone cellulaire, votre iPhone, peu importe. Alors, c'est une option qui est très pratique et puis que je vous invite à vous prévaloir et vous pouvez l'utiliser, elle est là, disponible. Ensuite, j'aimerais aussi vous demander, chers auditeurs, cette émission a grandi, puis les informations sont importantes, surtout en cette époque où les médias nous mentent, les politiciens sont complètement corrompus, les corporations prennent contrôle même de nos gouvernements. Alors, j'aimerais vous demander de passer les liens des vidéos de YouTube et puis aussi de l'émission ici sur l'autre monde, alors la page officielle de Choc FM. N'hésitez pas à faire ça, on fait tout cet ouvrage pour vous, et puis surtout, en fait, là, les petites vidéos de l'autre monde qui sont toutes découpées et préparées par Stéphane Poutoir, notre correspondant officiel. Maintenant, j'ai nommé Stéphane Poutoir correspondant français. Il est inscrit comme chroniqueur sur la page de l'autre monde, mais en fait, ce que ça signifie, c'est que Stéphane Poutoir, qui est la personne qui met en page toute la chaîne YouTube de l'autre monde, fait un travail exceptionnel et puis il va servir de mes yeux, alors mes yeux sur le vieux continent, sur le continent européen. Donc, bienvenue Stéphane Poutoir au sein de l'équipe de l'Autre Monde. Alors, cette annonce est faite. Stéphane va nous aider. Alors, vous aussi, vous pouvez nous aider. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ces vidéos et puis aller les poster un peu partout où vous passez sur le net. Alors, n'hésitez pas à faire circuler l'information. Comme ils disent, on ne doit pas haïr les médias, mais on doit être les médias. Alors, soyez les médias. C'est tout à votre avantage à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sachent réellement ce qui se passe sur cette planète pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit et puis prendre des décisions qui seront à ce moment-là beaucoup plus efficaces. Okay? Alors, ça, c'est des choses importantes. Aussi, vous pouvez copier tous les liens qui mènent à les nouvelles internationales sur lesquelles vous pouvez trouver tous les liens des documents dont je discute ici sur l'émission. Vous pouvez aussi transporter les liens de l'Essai du Québec, de Sans-Papiers, puis de la chaîne YouTube de L'Autre Monde sur votre page Facebook, si vous en avez. Alors, moi, j'encourage pas les gens réellement à utiliser Facebook, mais en tout cas, si vous avez une page Facebook et puis que vous tenez absolument à la garder ouverte, eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser pour nous et nous aider à recommander l'émission à vos amis. Alors, demandez à vos amis d'écouter l'émission et puis de la faire circuler. Alors, je vous remercie d'avance pour ça. C'est la seule façon, nous autres, ici, par laquelle on peut grandir. Alors, réellement, nous ne sommes pas une chaîne commerciale ici. C'est du travail bénévole. On travaille bénévolement pour vous. Et puis, nous avons la gracieuseté, la chance d'avoir un micro ici à Choc FM, qui est la radio de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Alors voilà. Donc, j'ai besoin de votre aide. Pourquoi je dis je recommande pas Facebook? Ben, parce que Facebook, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans le passé. Vous savez, premièrement, vous n'avez pas de vie privée, on vous traque. Ensuite, on vous suit partout sur Internet. On garde tout ce que vous affichez là dans des bases de données, même si vous fermez votre compte, ces gens-là gardent vos données. Et puis, elles sont utilisées de différentes façons par des employeurs, le gouvernement. Finalement, c'est relié aussi. Ça a été fondé avec des liens avec la CIA. Alors, c'est pas des farces, chers auditeurs, là. C'est vraiment un outil pour réellement vous surveiller. Alors, je recommande pas ça, mais en tout cas, si vous vous tenez vraiment à avoir une page, ben, aidez-nous avec ça. Écoutons, c'est déjà ça. OK, alors voilà pour les petites annonces. On va commencer avec le dossier de BP tout de suite en partant. Là, on va mettre la hache là-dedans. Il y a un article que j'ai publié cette semaine sur les sept du Québec et puis Sans-Papiers et aussi Agoravox sur le continent européen. Et puis après ça, cet article-là a pris des ailes et s'est envolé partout sur l'Internet, a été repris de multiples reprises sur différents sites Internet. Alors, merci à tous ces gens. D'ailleurs, si vous êtes à l'écoute de L'Autre Monde aussi, merci à vous tous de faire circuler l'information. Ce n'est pas une question ici de concours de popularité ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le nombre de visites que je recherche. C'est en réalité faire en sorte que l'information sorte, que les recherches et la poursuite de vérité d'une communauté quand même assez impressionnante de bloggers, d'internautes, qui cherchent la vérité, qui vraiment la poursuivent, cette vérité, puis ils réussissent à trouver des pièces d'information importantes, des morceaux de vérité. Et puis, ce que j'essaie de faire, c'est, moi, vous les transmettre, mettre ces morceaux-là ensemble et puis vous produire les meilleurs articles et puis les meilleures émissions pour vous informer véritablement. Donc, cet article-là est évidemment très important. J'ai pas sorti ça de ma poche non plus, comme je vous dis. Je dois envoyer aussi baisser mon chapeau à toutes ces bloggers sur Internet qui travaillent très fort et puis qui sortent des informations absolument incroyables. J'ai commencé à en parler un peu la semaine passée. C'est le fait que BP a bel et bien deux puits et non seulement qu'un, et qu'on nous a présenté finalement un spectacle de miroirs et de fumée pour nous tromper. Et puis on a filmé le colmatage d'un autre puits, pas celui qui fuyait comme un volcan là sous le golfe du Mexique. Alors, ça, c'est toute une nouvelle. J'ai pris quand même quelques semaines de recul pour recroiser l'information et puis vérifier tout ce dossier-là pour ne pas là, arriver avec un dossier puis avec des informations tout croche, là. Alors, ce qui a été publié là, je crois qu'il est, à mon sens, en tout cas, là, réellement très solide. Alors, il y a vraiment toutes les raisons de croire. Moi, en tout cas, je suis complètement convaincu que BP a bel et bien perforé deux trous dans le fond marin sous le golfe du Mexique. Alors, a percé, a foré deux puits. Alors, on a le puits A et le puits B. Et j'ai rapporté toutes ces informations-là dans un article qui a été publié ici du côté du Québec, je dirais de l'Amérique, qui s'appelle « L'incroyable arnaque de BP », le puits B, qui n'a jamais été colmaté. Et puis, vous allez trouver l'équivalent sur le vieux continent dans un article sur Agoravox que je vous invite aussi à aller visiter, qui s'appelle « Exclusif, au déni battu, BP, la grande illusion du puits B qui n'a jamais été colmaté ». Alors, ce superbe titre nous vient d'ailleurs de notre notre correspondant Stéphane Poutoir. Stéphane qui est très bon pour composer des titres. Alors, réellement, chapeau. Alors, j'ai utilisé ce titre-là pour l'article. C'est le même. Alors, dans cet article-là, vous allez trouver une panoplie de photos, de liens, alors de documents officiels, des documents qui sont publics, des documents officiels du gouvernement et puis de BP, dont un qui est très important à aller télécharger, qui s'appelle... en fait, c'est le document initial d'exploration dans le golfe du Mexique. Un document officiel qui a été produit par British Petroleum, donc BP, puis la US Minerals Management Service, la MSS. Et puis, selon ce document, ben, vous allez trouver qu'il est indubitable qu'il y a deux puits dans la région où le déversement s'est produit. Il y a le puits A, qui a été percé plus tôt, en fait, l'année passée, en 2009, et qui aurait été colmaté au début de l'année 2010, et qui a rencontré des problèmes. Okay? Donc, ce puits-là a été abandonné. Et ça a été confirmé lors de l'émission américaine 60 Minutes de CBS par un témoin qui s'appelle Mike Williams. Vous avez la vidéo qui est disponible dans l'article. Et par la suite, on a foré le puits B, qui a été celui qui a résulté en l'explosion de la destruction de la plateforme du Deepwater Horizon, dont on a tous pris connaissance le 20 avril dernier. Alors, vous allez trouver dans ce document-là toutes les informations nécessaires. Okay, vous allez voir qu'il est clairement visible en première page du document de BP puis du MMSS que BP a reçu la permission du MMS de percer deux puits dans le bloc 252 Mississippi Canyon Area, qui est résumé par MC252. Et puis, vous allez trouver que la localisation du bloc porte le numéro OCSG32306. Et à l'intérieur de celui-ci se trouve inscrit le puits A et le puits B, qui furent tous deux prévus et approuvés par le MMS. Alors, voilà l'information cruciale que BP, le gouvernement américain et les grands médias ont omis de révéler au public. Et c'est pour ça que cet article-là a fait fureur hier, a été lu par, je dirais, des milliers, c'est pas des dizaines de milliers de personnes à travers la blogosphère francophone. Pourquoi? Ben parce que, écoutez, ça faisait déjà quelques semaines même que cette information-là commençait à circuler sur certains sites dans la blogosphère anglophone. Et puis, il se trouve que les médias n'ont pas réagi. On essaye de garder ça secret. Tout le jeu est là. Vous avez même une vidéo, la première vidéo que vous allez trouver dans le document, qui se trouve à être les nouvelles de RT. RT, c'est un média russe. Alors, tout ce qui est plus sérieux, là, vous allez voir RT qui produit des nouvelles quand même, normalement, là, je dirais très, très bonnes, là. Je veux dire, ça a pas mal plus d'allure que les médias qu'on retrouve ici en Amérique, en tout cas. Et puis, même eux semblent être confus, en tout cas, à moins que ce soit réellement, là, volontaire, ce que, bon, je donne le bénéfice du doute, là, je pense pas qu'RT soit en train nécessairement de vouloir manipuler comme certains médias américains, je dirais CNN, Fox News, qui eux sont réellement engagés dans, je dirais, ce que j'appellerais le façonnage de la réalité. Alors, on essaye de façonner des réalités différentes de ce qu'elle est vraiment. Et puis, ben, c'est ça, comme cet exemple-là de deux puits qu'on nous fait apparaître comme s'il y en avait qu'un et puis qu'on avait réussi à le colmater à la fin juillet. Alors, voyez un peu là où je vais en venir. Et puis, dans cette vidéo de RT, on a trois clips, on a trois scènes, OK, ça dure à peu près 1 minute et 9 secondes. Et puis, on a trois scènes de ce puits-là. Et puis, si vous observez bien les coordonnées en haut à gauche de l'écran, vous allez vous rendre compte que les coordonnées sont différentes dans deux des trois vidéos. Alors, vous avez deux des vidéos, en fait, deux des scènes de cette vidéo-là qui portent les mêmes coordonnées. Alors, on est en train de filmer un des puits. Et puis, dans celle du milieu, dans la deuxième scène des trois, on retrouve des coordonnées différentes. Alors, on se trouve à avoir ces fameux robots sous-marins que BP utilise, qui sont stationnés en face du puits A. Okay, alors, on vous montre le puits A et le puits B. Le puits B, c'est celui qui a explosé. Le puits A, c'est celui qu'on a colmaté il y a déjà quelques mois, mais qui, semble-t-il, fuyait quand même encore quelque peu. Et puis, quand on vous a présenté, je crois que ça a été, les nouvelles ont commencé à sortir vers le 15, 16, 17, et ça s'est confirmé vers le 19, 20 juillet 2010, qu'on aurait finalement réussi à colmater le puits qu'on a vu dans les nouvelles, le puits qui a entraîné l'explosion de la plateforme du Deepwater Horizon et qui a tué 11 personnes le 20 avril dernier. Alors, on vous a fait à croire qu'on avait colmaté ce puits-là, qui se trouve être le puits B. Et puis, on vous a montré les images d'un autre puits, du puits A, qui avait déjà été percé, colmaté et abandonné dans le passé. Et on vous a présenté un faux spectacle. Alors, on vous a fait à croire qu'on avait colmaté le puits, que tout est beau, alors que celui qui a explosé, qui est éventré, on parle même du sol, des strates géologiques qui sont fracturées tout autour du puits. Alors, on parle ici là de fuite constante à travers le fond marin. Ça fait plusieurs émissions que j'en parle, mais vous devez voir vraiment là, dans votre tête, là, imaginez la situation, là. Alors, il est impossible de caper même ce puits. Puis là, de le colmater de façon définitive parce que le pétrole se répand et passe à travers, fuit à travers le fond marin qui, lui, est de nature très poreuse et largement fracturée. Puis vous retrouvez à avoir des fissures un peu partout. Et puis là, le pétrole, le méthane et les hydrocarbures et tous les autres produits toxiques s'échappent alors de façon continue. Donc, ça, c'est vraiment le cœur essentiel là, à comprendre de ces articles-là et pour comprendre la grande fraude qu'on est en train de nous passer. Alors, je vous invite à aller voir tous ces articles, OK, à voir les documents, aller les télécharger, aller les inspecter vous-même. Moi, ce que je fais, c'est que je vous demande pas de croire à ça. J'ai fait mes recherches, donc j'en suis venu à mes propres conclusions. Moi, je vous porte ces informations-là. Et je vous demande de les vérifier par vous-même. Je les apporte à votre attention et puis j'espère que vous allez faire vos propres recherches et en venir à vos propres conclusions. J'espère me tromper, mais je ne vois aucune raison pour laquelle je serais en train de me tromper en ce moment. Alors réellement, là, c'est à vous. La balle est dans votre cour et la balle est dans la cour de BP des médias pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé sous le golfe du Mexique. Alors allez voir ça. C'est assez spécial. Vous avez d'autres documents, d'ailleurs, qui viennent percer le mystère aussi encore plus. On a ici un document officiel datant du 27 avril, alors une semaine plus tard après l'explosion du puits B. On avait décidé de perforer ces deux puits d'urgence, alors pour intercepter et aider à colmater le puits B qui avait explosé le 10 avril. Et ces deux puits de secours portent les noms puits C et le puits D. Alors, vous allez voir ça visible en première page de ce deuxième document officiel. Alors, ceci vient de encore plus corroborer le fait que on a bel et bien, en fait, quatre puits, mais les deux premiers étaient pour exploiter le pétrole, tandis que C et D sont là pour essayer de colmater, supposément en tout cas colmater, le puits qui avait explosé. Alors, vous allez voir les coordonnées, là, c'est vraiment expliqué. Vous avez des images, vous pouvez cliquer dessus, les agrandir. C'est un document à garder, à faire circuler, téléchargez-le, copiez-le, je veux dire. Moi, je vous autorise à le faire circuler en autant que vous ne le modifiez pas et que vous écrivez la source et le nom d'auteur, alors, tout simplement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Le reste, là, vous prenez ça sous votre bras et puis vous courez avec et répandez l'information. Il faut forcer les médias à faire la lumière sur cette situation-là parce que si le puits B n'a bel et bien jamais été colmaté et continue de fuir à des quantités de pétrole qu'on pourrait qualifier carrément de volcan pétrolier, alors on est bel et bien en face, d'un Tchernobyl pétrolier. Je veux dire, c'est une catastrophe sans pareil. On parle de répercussions même sur le Gulf Stream et le climat qu'il pourrait avoir en Europe, surtout si le Gulf Stream se modifie, se déplace ou simplement cesse de fonctionner. Alors réellement, là, il y a toutes sortes de conséquences. Vous avez évidemment aussi une panoplie d'articles que je vais mettre en lien cette semaine. Vous allez voir les pêcheurs dans la région du Golfe du Mexique qui sont ni plus ni moins obligés de cesser de pêcher. On a ouvert officiellement la saison de pêche, mais écoutez, dans certains cas, on ne réussit pas à pêcher les poissons. Vous avez des lieux où vous avez des milliers de poissons qui se ramassent morts sur les berges. Une quantité incroyable de pêcheurs qui ont testé l'eau, même avec des genres de tissus absorbants qu'on plonge dans l'eau et on le retire après quelques secondes. Ils sont déjà tout tachés d'huile, alors que le gouvernement Barack Obama et puis BP a déclaré que 75% du pétrole aurait disparu du golfe du Mexique. Alors imaginez la grande farce. Alors vous avez eu un barrage de scientifiques qui se sont opposés à ça. On dit, écoutez, là, le pétrole n'a pas disparu. Vous allez trouver des liens de scientifiques qui disent qu'en fait, on a au moins 80% du pétrole qui demeure. On a utilisé des quantités tellement grandes de Corexit, qui est le dispersant chimique hyper toxique, qui est encore plus toxique quand il se mêle au pétrole, imaginez. pour faire quoi? Ben, pour faire disperser le pétrole, en fait, pour le cacher, OK? Pour le dissimuler. Alors, on se retrouve avec des quantités de pétrole phénoménales qui sont dissimulées à grande profondeur dans le golfe du Mexique. Alors, on le voit pas, il est sous la surface. Et puis après ça, ben, en vue des élections de mi-mandat, les élections législatives qui s'en viennent au mois de novembre aux États-Unis, et dans le but de limiter aussi au niveau de BP, eux autres, ils veulent limiter leur, évidemment, leur responsabilité civile face aux dommages qui ont été causés, qui seront causés encore dans le golfe du Mexique, et puis à l'économie américaine, et puis à tous ces gens qui vivent de la pêche, souvent depuis des générations, ils ne savent que faire que ce métier. Alors, ça a des répercussions incroyables, ça va coûter des milliards de dollars. Tout le monde, en fait, ces acteurs-là sont intéressés à dissimuler l'ampleur de cette catastrophe. Alors, autant BP que le gouvernement qui a déclaré, comme je vous disais, 75% que 75% du pétrole aurait été dispersé, aurait disparu dans leurs propres termes, on dit disparu vraiment comme un tour de magie. Alors, tout d'un coup, là, la plus grande catastrophe pétrolière des États-Unis s'est transformée en un beau bassin d'eau propre et pure où les dauphins nagent avec joie et puis les larmes aux yeux tellement qu'ils sont heureux. Alors, vous comprenez bien là qu'on est en train de vous passer tout un sapin. On est en train de vous prendre pour des idiots, pour des sales cons, des gens qui ne sont pas capables de comprendre la réalité de ce qui se passe là. Alors, on va voir si les médias vont se réveiller puis prendre cette nouvelle et puis courir avec eux aussi. Il faut forcer BP à répondre à ces questions-là, à savoir ce qui se passe là. Et puis, ben c'est ça quoi. Alors, vous allez trouver une quantité de nouvelles incroyables, beaucoup à propos de justement ce Corexit. Alors, on retrouve, on a testé de l'eau, l'air, autant des piscines. Ok, vous avez retrouvé des concentrations assez élevées de Corexit, alors de dispersants chimiques dans les piscines des résidents. Des gens commencent à être malades. On a trouvé des taux de Corexit, de dispersants, de produits chimiques très élevés dans le Golfe, dans l'embouchure du Mississippi. Vous allez trouver un tas d'articles là-dessus. Là, j'ai même pas le temps de tout vous les lire. C'est complètement débile. Je pense que j'en ai pour 80 pages juste de liens. Seulement que dans le dossier du pétrole, du BP, OK? Alors, allez vraiment voir toutes ces nouvelles-là. Mais c'est pas des farces. Là. On retrouve des concentrations très élevées de toutes sortes de composés chimiques, autant de gaz. Alors, on parle ici de benzène, d'éthylène, de méthane, et puis une panoplie d'autres gaz comme ça, et puis ensuite du Corexit. Alors, on continue même à disperser des dispersants chimiques, alors que BP avait déclaré dans les médias qu'ils avaient complètement cessé, alors qu'ils ont donné ça, finalement, à sous contrat à des compagnies privées qui, elles, dispersent ces produits toxiques même durant la nuit. Vous avez des agents fédéraux qui ont admis qu'on avait déversé, on avait caché le pétrole sur les plages sous une autre couche de sable qu'on avait importé là. Alors imaginez la fraude incroyable avec maintenant l'ouragan Earl qui va passer dans le golfe. On risque de voir ce pétrole être mis à découvert. Alors vous allez peut-être voir des choses assez spéciales se passer là. Et je prédis, chers auditeurs, regardez ça dans les temps à venir. Dans les prochains mois, soudainement, des maladies apparaissent, de plus en plus de gens malades. Vous allez sûrement aussi avoir des cas de végétation et de récolte qui vont être foutus ou atteints de maladies bizarres, entre parenthèses. Et peut-être même des décès, hein, des décès de personnes. Alors, allez voir ça sur les nouvelles. Gardez ça à l'œil, c'est ma prédiction. Et puis, évidemment, ça ne sera pas dû au déversement de pétrole, ça ne sera évidemment pas dû aux dispersants chimiques qui ont été utilisés à l'ordre de, on dirait, de centaines de millions de litres. OK? Aux dernières nouvelles, on avait entre 1 et 3 milliards de litres de pétrole déversés dans le golfe du Mexique. Alors, imaginez les conséquences de toutes ces... de ces produits toxiques. Je veux dire, vous avez parlé à des chimistes qui vont vous confirmer que la composition même de l'eau du golfe du Mexique est évidemment altérée. Alors, quels effets cela va avoir sur les courants marins? On parle ici de systèmes extrêmement complexes. Il faudrait même pas avoir la... faut pas être présomptueux, là, chers auditeurs. Là, OK, on dit tout comprendre que la science est bien avancée, mais... On commence à peine à comprendre le climat, encore moins les courants marins. On a affaire à des systèmes extrêmement complexes, des systèmes qui sont ouverts. Et il est absolument impossible de prédire, de prévoir les effets, les conséquences. Ce qui est certain, c'est qu'on va vivre des conséquences de tout ça pendant des décennies. C'est certain qu'on va vivre des conséquences de tout ça pendant les prochaines décennies. Alors, immense dossier, c'est hyper chaud sur l'Internet, ça vient de faire une vague incroyable. Allez voir ça, l'incroyable arnaque de Bébé, le puits B qui n'a jamais été colmaté. On vous a présenté le colmatage d'un autre puits qui avait déjà été colmaté, qui ne fuyait pas autant que le premier, que celui qui a explosé. Vous avez aussi une série de décès assez étranges. Ça aussi, je vous invite à aller voir ça. C'est pas de quoi là, de conspirationniste ou de quoi, là, je veux juste porter à votre attention le fait que vous avez des personnes qui sont reliées à BP qui se mettent à mourir mystérieusement. Alors, pourquoi? Là, ça va être à vous d'aller voir. J'essaie de retrouver là, présentement les liens par rapport à ça. Vous avez une personne ici très importante, c'est Matthew Simons. Matthew Simons qui avait déclaré, c'est lui, c'est le fondateur c'est l'ancien fondateur du Ocean Energy Institute, qui apparemment aurait décédé, noyé à sa maison. Et puis après ça, les rapports des nouvelles ont changé, disant que là, il serait mort d'une attaque de cœur. Alors, vous voyez, il n'arrive même pas en plus à s'entendre sur la cause exacte. On a des informations conflictuelles comme ça qui sortent. Et puis, cette personne-là, c'est celui qui avait déclaré dans les nouvelles que le nettoyage dans le golfe était pour coûter au-dessus de 1 trillion de dollars. On parle de 1 000 milliards de dollars. Déclaré que ça, c'était la personne aussi qui avait déclaré dans les médias qu'il y avait une autre fuite qui était beaucoup plus grave, beaucoup plus importante que celle du Deepwater Horizon à environ 5 ou 6 000 de là. Alors, on parle d'une dizaine de kilomètres. Et puis, boum, après quelques jours, cette personne est décédée d'une attaque du cœur ou morte noyée. Alors, on n'arrive même pas à s'entendre là-dessus. Et ce n'est pas la seule personne dans l'entourage de BP qui s'est trouvée à mourir. Vous avez d'autres personnes aussi. Vous avez deux autres contracteurs, en fait, des personnes qui ont été engagées pour le nettoyage, qui se seraient suicidées. Alors, vous avez les liens aussi. Vous allez trouver ça sur les nouvelles internationales dans la section de BP. Vous avez aussi le sénateur Ted Stevens qui avait des liens avec BP. En fait, il recevait de l'argent, il avait des dealings avec eux autres. Et puis lui, il est mort dans un crash d'avion en Alaska. Et puis là, vous avez eu une explosion d'un bateau qui a blessé des pêcheurs. Ça se trouve être Burras, aux États-Unis, dans le comté de Plaquemines, OK? Alors, des gens qui étaient aussi liés au nettoyage de BP, qui, on ne sait pas s'ils en savaient trop ou quoi, là, je veux dire, je veux pas faire de la nouvelle tendancieuse ou s'auto-conclusion, parce qu'on ne le sait pas, sauf que c'est bizarre de décès semble être connecté d'une certaine façon. Alors, je vous laisse explorer ça aussi. C'est des nouvelles, c'est des faits assez intéressants. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après ça? Ben, écoutez, chers amis, vous allez trouver, je pense que je vais bien vous poster ces 86 pages ici, là, de nouvelles que vous allez voir. Vous avez évidemment toute la propagande de la Maison Blanche. Alors, vous avez Obama qui est allé se baigner il y a quelques semaines avec sa fille, apparemment dans le golfe du Mexique, mais quand vous allez voir les photos de l'emplacement exact où il est allé se baigner, alors c'est même pas réellement dans le golfe. Ça se trouve à être une place qui est comme un peu à l'intérieur des terres. Alors, c'est pas vraiment l'eau du golfe qui se ramasse là. Et puis, il est même possible même que ces photos-là aient été prises dans un genre de bassin, un bassin fermé comme une grande piscine, si vous voulez, qui est non loin de cette place-là. Alors, on essaye de vous manipuler avec ça. Évidemment qu'on se demande réellement s'il laisserait le président aller se baigner dans des eaux toxiques. Alors, ça, vous allez trouver aussi des photos de ça. Vous avez des photos satellites qui montrent des nappes de pétrole qui couvrent, ici, on parle de 12 000 milles carrés de territoire. Alors, il faudrait le traduire en kilomètres carrés, mais on parle ici de plusieurs dizaines pas de plusieurs dizaines, on dirait à peu près peut-être 15-20 000 kilomètres carrés des nappes de pétrole, des panaches sous-marins qui flottent à environ 1 000 mètres de profondeur. Okay? Alors, complètement invisibles de la surface, mais on est capable de les repérer. On a fait des études très importantes. On utilise des satellites et toutes sortes de systèmes de sonars pour les détecter. Alors, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Il y a des nappes importante de pétrole de plusieurs kilomètres de long, de large et plusieurs centaines d'épaisseur, alors plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Alors allez voir ça, vous avez des géologues, on parle ici comme je disais du fond qui est fracturé. Vous avez on est encore une nouvelle ici là, on parle de 30 kilomètres de long. Ça, c'est des nappes pétrolières, 20 km de long, chers auditeurs. C'est plus 30 km de long par environ 2 km de large par 1 km d'épaisseur. Alors, imaginez la quantité de pétrole qui s'échappe de là. Donc, ça, c'est tout en lien, OK? C'est tout documenté. Vous avez, on retrouve du pétrole même sur les plages de Tampa Bay. Alors, ça, on parle de la Floride, OK? Donc, vous avez vraiment des preuves concrètes que le pétrole est en train de se répandre dans l'océan Atlantique. Alors, on parle ici, là, d'une crise internationale, OK? D'une catastrophe de proportion internationale qui va toucher la prochaine cible. Ça va être la côte est américaine, canadienne et ensuite l'Europe qui va goûter à cette soupe chimique qui s'en vient tranquillement vers vous, chers auditeurs de l'Europe. Donc, ainsi incroyable, vous avez BP qui est accusé ici de ne pas publier, de garder secrète des informations, des données qui pourraient nous aider à comprendre l'ampleur du désastre. Des scientifiques qui ont été muselés pour ne pas étudier justement le désastre de BP. Ensuite, vous avez les nouvelles sur les pêcheurs. Alors, vous allez voir qu'on retrouve des milliers de poissons. Ici, dans une nouvelle, on dit de 5 à 15 000 poissons morts qu'on a retrouvés sur une plage un bon matin. OK, donc, vous voyez là le golfe qui a été testé et puis montre des taux positifs de contamination très importantes. Ici, on parle de sulfite d'hydrogène qui sont en hausse de 800% sur les côtes de la Louisiane depuis que, apparemment, le puits aurait été colmaté le 15 juillet dernier. Alors, ça, c'est des données de l'EPA, OK? Alors, voyez, là, c'est pas des nouvelles là, qui sortent de petits blogueurs conspirationnistes. Ensuite, bon, là, vous avez vraiment une quantité incroyable ici de nouvelles qui parlent des problèmes de bioaccumulation, de toxicité de tous ces produits-là, autant des dispersants que le pétrole. Ici, c'est l'American Medical Association, alors l'association médicale américaine. Alors, comme je vous dis, c'est toutes des sources là, canon que je vous apporte. On a retrouvé ici, ça c'est un chimiste qui a publié ça, on a retrouvé des quantités de 12 500 parties par million d'hydrocarbones proche de la rivière du Delta. Alors, ça, c'est assez spécial dans des huîtres. Alors, les huîtres qui contiennent en réalité 1,25% de produits d'hydrocarbones. Alors, vous voyez là, c'est assez spécial. Ici, on parle d'une nouvelle plaie incroyable qui est en train de courir dans le golfe, qu'on appelle the Gulf Blue Plague. Alors, des bactéries qui sont en train de muter des virus avec l'aide des agents chimiques comme le Corexit, alors qui pourraient entraîner des mutations mutagènes physiques chez les humains et les espèces vivantes dans le golfe du Mexique. Alors, c'est assez incroyable. Vous avez ici un autre article sur les effets sur la santé, écrit par un docteur PhD. Alors, allez voir ça aussi. Comme je dis, toutes des sources canon très solides. Des produits qui sont volatiles aussi, vous devez comprendre ça, alors qui sont récupérés par les nuages et puis après ça, ben le Corexit tombe avec la pluie sur les régions côtières de la golfe du Mexique. Alors on retrouve ces produits-là, comme je vous disais, dans les piscines et dans les récoltes. Ok, alors ça va être vraiment fantastique à voir ça dans les prochains mois, à suivre sur vos écrans la catastrophe, le Tchernobyl américain. C'est vraiment en train de se passer live, chers auditeurs, c'est d'une tristesse incroyable. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Vous allez voir là, une quantité incroyable là, de nouvelles. Là. Je vais tout vous mettre ça en lien. 86 pages de liens, des têtes de nouvelles. On retrouve du pétrole partout. Vous allez trouver une quantité de vidéos intéressantes pour voir le méthane, les hydrates de méthane qui s'échappent du fond marin. Alors, ça continue de fuir de façon continuelle par le fond marin. Les gens vont dire, ouais, c'est normal, vous avez entre 12 et 15 000, je crois que c'est peut-être même plus, entre au moins 15 000 puits qui ont déjà été forés dans le golfe du Mexique. Alors imaginez, il y a une quantité incroyable, une bonne quantité de ceux-là fuient encore aussi. Vous avez du pétrole qui fuit naturellement du fond. Oui, je suis d'accord avec ça, mais là, écoutez, là, on vient de créer une catastrophe là, en proportion incroyable. Là, je veux dire, il y a beaucoup plus de pétrole et de méthane qui s'échappent. Qui s'est échappé en tout cas et qui continue de s'échapper fort probablement en ce moment que tout ce qui a pu s'échapper là jusqu'à maintenant. Alors allez voir ça. Voilà pour le large topo de BP. Allez retrouver ça sur, comme je disais, les nouvelles internationales. Vous faites une recherche Internet si vous ne savez pas c'est où. Avec les nouvelles internationales, vous allez trouver tous les articles à ce sujet-là. Très important. Gros dossier de BP. Faites suivre l'information de grâce. Alors, on va s'arrêter nous autres pour une petite pause musicale et puis on se retrouve immédiatement. OK, vous êtes de retour à l'autre monde, François Margeau au micro. Vous venez d'écouter la chanson de Thievery Corporation qui se nomme The Sleeper Car. Alors, on va poursuivre maintenant. La semaine passée, je vous avais promis deux choses, je vais faire les choses en premier. Des choses que j'avais promis la semaine passée. Souvent, je vous promets de parler des affaires et puis après ça, je pars dans les actualités. Vous savez, dans les actualités, j'ai 57 pages à vous lire. Normalement, je suis capable de vous passer entre 60 et 80 pages par émission, là, vous donner un peu une idée, là. Si je commençais encore avec l'actualité, ben probablement que j'aurais pas de temps pour le Moyen-Orient et puis l'économie. Alors, je vais essayer de faire ce que vous avez promis en premier. L'économie, parce que c'est important, le Moyen-Orient, parce que ça brasse incroyablement aussi là-bas. J'aurais jamais le temps de couvrir tout ce qu'il y a au Moyen-Orient. J'en ai aussi pour 53 pages. Et un autre filiale ici, un autre dossier, 52 autres pages à propos de la Palestine-Israël. Alors imaginez, comme je vous dis, j'en aurais pour des heures si je partais réellement à tout vous lire, à tout vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Mais je vais essayer de vous parler du plus important. Alors on va commencer par l'économie. L'économie, vous avez là aussi, j'ai un autre dossier là, de 80 pages. Je vais essayer de couvrir là, ce qui est le plus important. Après ça, je vais vous inviter à aller découvrir le reste par vous-même. Il va falloir que je nettoie ces dossiers-là pour partir à neuf. J'ai des nouvelles qui datent là, déjà même de quelques mois là-dedans parce que j'ai jamais le temps de passer au travers de tout ça. Alors, ce que vous devez comprendre dans l'économie, c'est que là, on se prépare aux États-Unis, au niveau de la Fed, là, qui est la Federal Reserve, la fameuse banque centrale, qui se trouve être une banque centrale privée, gérée par des banquiers privés. Ça, c'est bien établi, là, n'ayez aucun doute là-dessus. J'espère que déjà vous êtes au courant de ça. Sinon, il faut remonter à loin, faites vos recherches. Vous avez même des publications officielles, des jugements de cour, alors des documents judiciaires. Qui prouve indubitablement que la Fed, c'est bel et bien une institution privée. OK? Il faut comprendre quand même là, les choses là, assez clairement pour savoir comment ça fonctionne. Si on n'est pas déjà conscient de ça va être bien difficile de saisir la réalité. OK? Alors, ces gens-là, puisque c'est une banque privée, alors n'ont pas vraiment intérêt à ce que l'économie fonctionne bien, mais plutôt à ce que l'économie leur rapporte beaucoup. Vous comprenez que ces gens-là ont le pouvoir de. La création de la monnaie. Alors, depuis les années 70, je crois les années 71, on a enlevé le standard alors. Alors, on s'est retrouvé avec des monnaies flottantes, les monnaies flottantes les unes par rapport aux autres, avec celle de la monnaie américaine, le dollar US, qui se trouve à être la monnaie de référence. Et qui tient encore jusqu'à aujourd'hui pour deux raisons bien simples. C'est que la première, c'est que c'est la réserve mondiale. Alors, c'est la réserve, la monnaie d'échange, de référence mondiale. Et la grande raison de ça, c'est que tout le commerce, les échanges, en tout cas, le principal port, je dirais, des échanges commerciaux mondiaux se fait en dollars américains. Et surtout, surtout, les paiements de pétrole. Alors, évidemment que ça force tous les pays à se garder d'importantes réserves en dollars américains pour pouvoir acheter du pétrole dans leur pays, ce qui est d'ailleurs en train de changer. Et c'est ce qui est une des aussi des raisons pour laquelle les États-Unis ont attaqué l'Irak en 2003, parce que Saddam Hussein avait commencé à vendre son pétrole en euros. Et puis si vous commencez un mouvement dans ce sens-là, vous avez une multitude de pays qui vont suivre le pas, et puis ça va entraîner évidemment la chute du dollar américain, probablement son effondrement quasiment instantané. Ce n'est pas la seule raison, là. Je vois d'autres nouvelles dans l'actualité. J'espère vous en parler aujourd'hui, sinon ce sera la semaine prochaine. Faut pas avoir peur des mots, là. J'ai tous les documents nécessaires pour prouver, hors de tout doute, qu'Israël était un facteur incroyable, les sionistes étaient un facteur primordial dans cette guerre. Alors, cette guerre en Irak. Donc, il faut quand même être lucide, là, mais on va laisser ça pour le moment. Alors, ce qui se passe, c'est que la Fed, depuis les années 70, à ce moment-là aussi, étant donné qu'il n'y a plus de standard de référence à l'or, on peut imprimer l'argent comme on veut, l'argent de papier. Alors, cet argent de papier, si on parle des 100 dernières années, a perdu quasiment la totalité de sa valeur. Là, on parle de 98-99% de sa valeur. Et seulement que des années environ 70, justement, qu'on a enlevé ce standard à l'or, vous avez les monnaies nationales, autant du Canada que les États-Unis, puis je dirais, de la majorité des autres pays du monde, ont perdu énormément de valeur. On parle d'une perte aussi d'autour de 95 à 98%. Alors, le pouvoir d'achat qui, évidemment, s'ensuit, baisse. Et après ça, les gens se demandent comment ça se fait qu'on s'appauvrit sans cesse. Alors, on a un genre de mythe où on pense qu'on vit dans des sociétés de surconsommation, mais vous devez comprendre que si vous tournez vers les statistiques officielles, vous allez voir que la classe moyenne est littéralement en train de fondre, même avec deux salaires, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. On n'avait normalement qu'une seule personne qui était sur le marché du travail. Maintenant, on a deux personnes sur le marché du travail, on n'arrive même pas. On a bien de la misère à fermer le budget à la fin du mois. Et la raison à ça, c'est que les besoins de base ont fortement augmenté de coûts. Alors, on parle autant du logement que de l'électricité, de l'énergie et puis de la nourriture et des frais d'éducation aussi, faut-il le dire, en des lieux comme les États-Unis où ils sont, disons-le, absolument prohibitifs. Alors, cet argent-là, évidemment, perd de sa valeur comment? Bien, parce qu'on imprime énormément de ces billets-là. Alors, vous savez, juste dans les 4 dernières années, on a finalement quadruplé la masse monétaire aux États-Unis. Alors, on a quadruplé cette masse monétaire-là, et puis curieusement, surtout avec les plans de sauvetage qui ont été émis par le gouvernement Obama, la masse monétaire a été fortement amplifiée, augmentée. Alors, comme je vous disais, a été doublée les 2 dernières années et doublée les deux années précédentes. Et puis, cet argent-là ne s'est pas retrouvé dans la masse monétaire en tant que telle publique, si je devrais dire. Là, c'est pour faire comprendre dans le sens que nous, les gens, en fait, les Américains, n'ont pas vu la couleur de cet argent-là. Elle est restée dans les mains de ces banquiers privés auxquels cet argent a été distribué. Alors, l'argent des payeurs de taxes. Et ces gens-là s'en sont servis pour finalement payer leurs dettes des produits, du marché des produits dérivés. OK, donc, c'est finalement ces investissements qui ne valent absolument rien, qui ont entraîné aussi la perte d'une quarantaine de millions de dollars de la Caisse des dépôts et placements du Québec. Okay? Donc, vous voyez là que on n'est pas les seuls à avoir perdu des milliards de dollars. Vous avez plusieurs banques. Je crois qu'on est rendu à pas loin de 115 banques aux États-Unis qui ont été fermées pour cause de banqueroute ou très mauvaise finance juste depuis le début d'année 2010. Alors, imaginez. Et puis, voilà quoi. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on se retrouve avec ces banquiers-là qui ont utilisé l'argent des fonds publics pour finalement remettre à flot leurs livres financiers. Puis, finalement, on se retrouve avec une certaine contraction de la masse monétaire qui est en circulation, disons-le, celle qui est en circulation. Et on parle de deux forces très destructives qui sont les deux présentes. Alors, vous avez un peu une genre de chicane entre les économistes en ce moment, savoir si les États-Unis, l'économie mondiale est en train de subir une inflation, une superinflation ou une déflation. OK? Puis, ce qui arrive, c'est qu'on est en train, en fait, de vivre les deux en même temps. Alors, c'est le pire des deux mondes. C'est une genre de de combinaison entre les deux tendances. Et puis, c'est pour ça que je répète depuis quelques semaines, je dirais même depuis quelques mois, qu'une deuxième vague importante va arriver, un tsunami qui va être de bien plus grande ampleur et profondeur que ce qu'on a vécu en 2008-2009. Alors, une deuxième crise, une deuxième vague qui va nous plonger probablement dans une dépression mondiale et qui risque d'entraîner littéralement la banqueroute des États-Unis et l'effondrement du dollar américain. Alors, ça reste à voir. On va voir si ça va réellement se passer parce que leur capacité d'invention, de création de l'argent et puis de manigance pour maintenir à flot ce bateau qui est troué de tous les endroits semble inépuisable, mais réellement, si on arrêtait, si ces gens-là cessaient de manipuler les marchés boursiers et les marchés financiers, il est certain qu'on ferait face à un écroulement littéral du dollar américain et de la banqueroute des États-Unis, OK? Donc, vous avez une nouvelle, d'ailleurs, une nouvelle agence de notation chinoise qui s'appelle le Dagang Global Credit Rating qui vient d'être créée en Chine. Alors, c'est assez incroyable, OK? Alors, ça aussi, c'est assez spécial. Alors, vous avez ces gens-là qui viennent de revoir à la baisse la note de la dette souveraine des pays occidentaux. Et il n'y a que la Suisse, la Norvège et l'Australie qui conservent la note maximale de 3A. Et ça, c'est assez spécial. Écoutez, les Européens en rêvaient, et puis les Chinois, ben, ils l'ont fait. Ils ont créé cette agence de notation qui est non anglo-saxonne, que les marchés devront prendre au sérieux maintenant. Alors que les Standard & Poor's, et puis les Moody's et Fitch, qui s'évertuent à tirer sur ce qu'on appelle les ambulances, que sont les pays du sud de l'Europe, justifient ainsi leur réputation d'être à la fois pompiers pyromanes et de ne prévoir qu'à posteriori un défaut de crédit. L'agence chinoise Dagang Global Credit Rating s'est penchée sur la dette souveraine des pays occidentaux. Les États-Unis se retrouvent avec une note de AA seulement, le Royaume-Uni et la France avec AA au moins, l'Italie, l'Espagne et la Belgique avec un A moins, l'Allemagne et le Canada, les Pays-Bas s'en sortent un peu mieux avec la même note que la Chine avec AA+. Le maximum étant le triple A n'est accordé qu'à la Suisse, la Norvège et l'Australie ainsi qu'à quelques petits pays. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Alors, vous voyez réellement un changement qui est en train de s'opérer sur les marchés financiers. Vous avez aussi plusieurs banques qui supportent maintenant aussi les échanges commerciaux en renminbi, donc en la monnaie de la Chine. Alors, vous avez plusieurs banques comme la HSBC, qui est une importante banque qui est située à Londres et à Hong Kong. Et qui donne des promotions. On baisse les prix et puis on fait des petites promotions pour les gens qui veulent investir dans des compagnies puis qui vont utiliser la monnaie chinoise au lieu d'utiliser la monnaie américaine. Alors, ça aussi, ça risque de porter un certain coup. La Chine, qui se retrouve, comme je disais la semaine passée, comme étant la deuxième économie mondiale, vient de passer le Japon. Et vous avez une nouvelle ici qui parle aussi de la Chine qui est en train de vendre ses bons du trésor. Alors, ça aussi, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les États-Unis. Alors, on est en train de vendre la dette. Et puis là, on se retrouve avec la Fed qui est obligée de la monétiser. Alors, ça, c'est pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée, là, mais c'est qu'on a une dette et on n'est pas capable de la rembourser. Alors, vous avez la Fed qui la monétise. OK? Sauf que ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve à monétiser la dette carrément. Alors, on se retrouve avec, quand vous regardez un billet de papier dans votre poche, dans vos portefeuilles ou dans votre sacoche, votre porte-monnaie, eh bien, ce petit billet ne représente pas une valeur en ajouté, en plus, si vous voulez, dans l'économie, mais se retrouve à être une preuve de dette. OK? C'est une dette. Alors, vous regardez un petit billet de 10 euros, ou bien non, un billet de 20 $ américains, ou un billet de 50 $ canadiens, et puis ces billets-là signifient une dette. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on se retrouve sur un système littéralement basé sur la dette. Et après ça, on se demande comment on va s'en sortir en créant encore plus de dettes, parce que c'est bien la solution que nos chefs d'État et puis les banques centrales proposent tout le temps. Alors, on dit que pour s'en sortir, il va falloir créer plus de dettes. Il faut s'endetter encore plus pour sortir de la dette. Pensez à ça 2 secondes. C'est réellement le cœur à comprendre, c'est ce que vous devez comprendre. Aux États-Unis, vous avez les ventes de maisons, de domiciles qui ont chuté de 27%. On est à une On est en train d'atteindre des records qu'on n'a pas vus depuis 15 ans, OK? Des chutes de 27% dans les ventes de maisons. Pensez à ça, là, OK? Vous avez des top économistes qui sont en train de vous dire aussi dans des articles que j'ai ici disponibles pour vous que la deuxième grande dépression est déjà arrivée en plus. Ok? On parle de l'économie dans un article qui est en train de rentrer dans un état d'effondrement, d'hyperinflation. On parle encore ici dans cet article de la grande dépression qui est en train de s'en venir. Alors, écoutez là, mais vous avez même le chairman de la Fed, Ben Bernanke, qui a même admis lui-même qu'on est en train de faire face à des données de l'économie qui sont, dans ses propres termes, qui sont particulièrement incertaines. Ok? Donc, Ben Bernanke a admis avoir vu des signes dans l'économie qui ne sont pas très normales, on dirait, et très incertaines. Alors, voyez, là, ces gens-là vous disent que l'économie va très bien, que vous avez des pouces vertes et puis très, très positifs. Alors, quand on arrive et puis on admet que là, écoutez, c'est très incertain, c'est que vous devez vous poser des questions par rapport à ce qu'on vient de se préparer. Alors, sortez le parapluie, préparez-vous, sortez de dette. Vous avez déjà des nouvelles aussi, vous allez trouver où vous allez voir que les Américains sont en train de se sortir de dette. D'ailleurs, vous avez le chiffre de dette totale sur les cartes de crédit de Mastercard, de Visa qui ont baissé ces derniers mois. Alors, les gens sont en train de se dépêcher à payer leurs dettes parce qu'ils savent que ce qui s'en vient, c'est une très grosse tempête. Alors, les nuages ne présagent vraiment pas bien à l'horizon. Donc, vous avez une autre nouvelle ici qui parle du dollar américain qui est maintenant mûr pour une dévaluation catastrophique. Alors, on vous explique dans cet article-là, dans un commentaire de ce webmaster particulier de What Really Happened, comment que le système justement qui était basé sur les métaux précieux fonctionnait et puis pourquoi que aujourd'hui on a en fait aboli ce standard-là et puis pourquoi que notre pouvoir d'achat a été si dévalué que ça. Vous allez comprendre pourquoi que votre dollar ne vaut absolument plus rien. C'est quasiment du papier pour utiliser à la toilette. Okay? Vous avez un article absolument débile ici qui parle de 40 statistiques bizarres qui révèlent la vérité horrifiante à propos de l'effondrement de l'économie américaine. Alors, vous avez 40 signes. J'aurais pas le temps de tous vous les lire, mais écoutez, voici quelques-uns quand même. Vous avez un nouveau sondage qui montre que 28% des maisonnées américaines n'ont seulement qu'un membre qui travaille, alors que l'autre est en train de chercher un travail. Alors, beaucoup de pertes d'emploi, les gens ont de la misère à trouver de l'ouvrage, okay, de l'emploi aux États-Unis. Vous avez environ 55% de la force de travail aux États-Unis qui a eu des moments sans emploi, ou ben non, qui ont perdu de l'argent, qui ont vu leur paye diminuer, ou ben non, qui ont vu leurs heures de travail être réduites, okay, ou qui se retrouvent à travailler à des emplois à temps partiel, okay. Vous avez 9,2 millions d'Américains qui ne sont pas employés en ce moment, qui ne reçoivent aucune forme d'aide financière. Okay, donc, ils sont complètement dehors du système. On n'a même pas calculé dans les statistiques. Okay? Alors, quand on vous dit que les taux de chômage aux États-Unis sont autour de 10%, c'est un grand mensonge. Les taux véritables de chômage aux États-Unis se situent de façon conservative entre 15% et possiblement jusqu'à 20-25%. Okay? Alors, ça aussi, c'est des données sur lesquelles on doit réfléchir. Selon une analyse des États-Unis, aux États-Unis, on a perdu 10,5 millions d'emplois depuis 2007. Vous en avez une quantité comme ça là, de nouvelles, c'est incroyable. Vous avez la quantité d'Américains qui n'ont même pas 10 000 $ en banque pour leur retraite. Okay? C'est assez épeurant. C'est assez épeurant. Les banques ont repris de finances pas loin de 300 000 maisons seulement que dans le dernier quart financier de 2010. OK? Ça, c'est plus qu'un quart de million de maisons qui ont été reprises de finances. Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe, chers auditeurs? C'est qu'on est en train de voir l'effondrement des États-Unis directement, littéralement, sous nos yeux. Je l'ai ici, le chiffre 43% des Américains qui ont moins de 10 000 $ d'épargne pour leur retraite. On ne va pas loin aux États-Unis avec 10 000 $. Si vous cassez le petit doigt aux États-Unis, faire réparer le petit doigt, c'est entre 6 000 et 8 000 $. Alors, bonne chance pour la retraite avec moins de 10 000 $ en caisse pour ces 43% d'Américains. Donc, comprenez-vous là rapidement ce qui se passe. J'en ai des nouvelles comme ça, des quantités incroyables. On parle ici de la classe moyenne qui est en train de s'effondrer littéralement aux États-Unis. Vous avez des nouvelles encore là-dessus. Sur les marchés financiers, pour chaque vendeur qui vend, vous en avez seulement 6 qui achètent. 11 vendeurs qui vendent, 6 qui achètent. Alors, vous voyez les gens vendre, vendre, vendre. On est en train de voir la Dow Jones passer les niveaux la barre psychologique des 10 000. On est en train de chuter, on est en train de se pointer les orteils dans les eaux du 9 000. Alors, regardez ça aussi, c'est le seuil psychologique. Dès qu'on va tomber en bas de la barre des 10 000, eh bien là, ça risque d'envoyer une autre onde de choc sur les marchés financiers. Et ne vous en faites pas avec ça, là, je veux dire. Même si vous pensiez là, que les marchés financiers étaient libres, vous devez comprendre qu'au moins 50% des marchés boursiers, si pas plus, sont complètement contrôlés par des ordinateurs. Carrément, vous avez ce qu'on appelle de high frequency trading, des gens d'ordinateurs qui finalement font des mises sur les marchés financiers ultra rapides, là, avec des fractions de secondes. Là, okay? Donc, on fait des mises, on essaye de profiter de 0,11%, des petites mises comme ça, vraiment des petites pinottes par-ci par-là qu'on récupère qui font en sorte que des gros comme Goldman Sachs réussissent à empocher entre 100 et 200 millions de dollars sans avoir absolument rien fait, seulement parce que les ordinateurs jouent avec les chiffres, font des transactions ultra rapides comme ça, complètement automatisées. Finalement, si vous croyez que les marchés boursiers de Wall Street étaient libres et étaient sans manipulation, ben il est temps que vous rendiez compte de la réalité. Et on manipule ces marchés-là. Alors, dès que vous avez vu un peu là, le Dow Jones baisser dans les eaux du 9 000, eh bien, oups, vous avez vu soudainement, genre en fin de journée, un gros pic pour monter ça en 10 000. Ce qui est complètement improbable. Il n'y a personne qui aurait racheté tout d'un coup un paquet de porcs comme ça à la fin de l'heure alors que tout le monde vend. Alors, vous devez comprendre ça. Vous avez les petits investisseurs ici dans cet article qui fuient les marchés boursiers. Alors, allez voir ça. Vous avez 33,12 milliards de dollars de petits investisseurs, alors en valeur de petits investisseurs qui ont quitté les marchés boursiers depuis les sept premiers mois de l'année. Ça, c'est selon The Investment Company Institute. Alors, vous voyez, les gens ne sont pas fous non plus. Vous avez de plus en plus de personnes qui savent ce qui s'en vient. Vous allez voir aussi une poussée pour une monnaie globale. Alors, ça aussi, ça fait partie des plans de la globalisation. De l'instauration de cette gouvernance mondiale. Alors, vous allez voir de plus en plus ça. Un indice absolument troublant ici, vous allez voir ça aussi, ça a été publié le 12 août, où c'est que vous avez eu les marchés financiers qui ont finalement produit ce qu'on appelle un indicateur technique qu'on ne connaît pas réellement. Moi, je n'étais pas au courant de ça. En tout cas, probablement ceux qui sont plus ferrés en économie puis sur le marché boursier doivent le connaître. On l'appelle, c'est un peu comme une augure, si vous voulez, de Hindenburg. C'est un indicateur, OK, que les gens qui sont bien versés là-dedans connaissent. À toutes les fois qu'on a vu certains signes être regroupés ensemble, quelque chose s'est produit. OK, alors vous avez cette nouvelle ici très importante. On vous dit que ce signe-là s'est produit dans le NYSE en 1985, alors qu'on avait eu ce signe de Hindenburg. Et puis après ça, on a eu le crash du stock exchange en 1985. Ensuite, sur des statistiques historiques, on a une probabilité de panique, de vente rapide de 41% quand on a ce signe-là. Alors qu'on a des probabilités d'un crash majeur du marché boursier qui est de 24% quand on voit ce signe-là. OK? Alors, vous avez eu plusieurs moments comme ça dans l'histoire où on a eu cet indicateur-là qui s'est présenté et puis de façon quasiment constante, en tout cas ou très régulière, on a eu des conséquences très négatives suite à l'apparition de cet indicateur-là. Il y a eu environ, en fait, on parle ici de 25 signaux qui ont été confirmés dans le passé, puis seulement 8%. Alors, on parle deux de ces signaux. N'ont pas prédit correctement un déclin des produits dans les marchés boursiers. Okay? Alors, vous voyez là que le signe, l'indicateur est quasiment parfait. Seulement deux des 25 signes n'ont pas produit ce genre de déclin qui l'annonce, si vous voulez. Vous avez ce signe-là qui a été vu non seulement qu'une fois, mais deux fois au milieu du mois d'août. Une fois qui est certaine, et puis la journée précédente, qui a passé à quelques cheveux, à quelques poils, d'être confirmé comme étant un signe reconnu. Alors, on a vécu dans le passé un signe. À toutes les fois, on avait un signe, il se passait de quoi, ou presque tout le temps. Là, on a eu deux signes, deux journées d'affilée. Rien que pour vous donner une idée. Dans ces marchés-là. Alors, pour savoir c'est quoi ces signes-là, pour mieux les comprendre, allez lire l'article par vous-même. Sauf que ce que ça annonce, c'est qu'il y a peut-être de quoi qui se prépare, et puis on dit que normalement, les effets se font sentir. Vous avez une fenêtre de 40 jours. Alors, on dit que on a dans 77% des cas, on a un effet sur les marchés boursiers à la baisse dans les 40 jours qui suivent l'apparition de cet indicateur-là. Alors, ça, c'est assez spécial. Allez voir ça. Vous avez un article ici qui dit que les États-Unis est en train de s'éteindre. Alors, on parle réellement, littéralement, là, c'est assez incroyable. Vous avez des places comme à Colorado Springs qui ont fait la tête des nouvelles, la une des nouvelles, parce qu'on essaie d'épargner l'argent. Écoutez, on n'a pas assez d'argent pour payer même les employés d'État. Alors, pour essayer d'épargner l'argent, on a décidé d'éteindre le tiers de toutes les lumières de rue dans cette ville. Alors, c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu aux États-Unis. Avant le début de l'été, vous avez rapporté la nouvelle que dans une école, on avait même réduit la semaine d'école à 4 jours. Alors, vous voyez, là, on est vraiment rendu là. Vous avez aussi the Interstate Highway System sur laquelle on a décidé de finalement retourner à la gravelle de grands tronçons. Okay? Alors, on avait des grands tronçons qui étaient pavés d'asphalte. Et puis, on n'a pas assez d'argent pour les maintenir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les retourne à la gravelle. Alors, aux États-Unis, on assiste réellement à des signes très inquiétants. Okay? Ça fait le sud de la Californie où on a un effondrement aussi des ventes de maisons de 21%. Les taux de banqueroute aux États-Unis, on parle des banqueroutes des gens, okay? des banqueroutes personnelles qui sont à un record jamais vu depuis 5 ans. Alors, vous voyez là, que les gens aussi sont en train de faire faillite. L'infrastructure aux États-Unis qui est en train de tomber, c'est assez inquiétant, comme je vous dis. Là, okay? Donc, regardez ça, les gouvernements locaux qui vont couper 500 000 emplois en 2010 et 2011, on a 400 milliards de dollars de manque à gagner dans les budgets de ces États, de ces gouvernements locaux aux États-Unis. Ça va tellement mal que vous avez des gens qui, au lieu de voir leur maison être prise de finances, vous savez, les gens se sont fait complètement baiser, ont acheté une maison qui valait 200 000 $ américains, on l'a payé, on a gonflé les marchés, on a gonflé le prix des maisons. Les gens ont payé 300, 400 000 une maison qui en valait 200 000. Le prix des maisons aux États-Unis a fortement chuté. Alors, les gens se retrouvent avec une maison qui vaut maintenant 300 000, peut-être même 250 000, alors qu'ils doivent rembourser une hypothèque de 400 000. Les gens hallucinent ben raide, vont perdre de l'argent et puis là, ne sont plus capables de rembourser ces primes-là. Les banques saisissent leur maison et puis les gens, au lieu de tout perdre, savent que se sont fait frauder par ces banquiers privés. Et vous avez des mouvements assez spéciaux aux États-Unis où vous avez des gens qui détruisent leur maison au lieu de voir les banques les saisir et puis les baiser encore plus. Alors, c'est incroyable. Alors, vous avez ici une panoplie de nouvelles. Des gens ici en Ohio qui a détruit sa maison avec son équipement de construction. Alors, lui, il a décidé de prendre son bulldozer puis il a passé ça dans la maison. Incroyable. Vous avez un autre cas ici à Plymouth. Alors, une autre personne ici qui a détruit sa maison. Il y en a qui vont simplement la brûler. Alors, ils mettent feu et puis ils détruisent la maison. Vous avez d'autres cas aussi où les gens, finalement, partent avec tout ce qu'il y a de valeur dans la maison. On parle même des tuyaux, des fils électriques, des boîtes électriques, les fenêtres, l'aluminium, le métal. Alors, finalement, on se retrouve avec un squelette de maison. Donc, ça aussi, c'est assez spécial. Là. Vous allez trouver un paquet de nouvelles par rapport à ça. Et le dernier scandale que vous allez retrouver dans les nouvelles de cette semaine, bien, vous allez voir aussi une paquet de nouvelles par rapport à la France, l'Europe, la Grèce, le reste des autres pays de l'Europe qui sont en difficulté. Vous allez trouver aussi des nouvelles par rapport au fait qu'on va essayer de globaliser l'économie. Donc, on est en train d'entraîner une chute de l'économie, un écrasement, un effondrement de l'économie. Et puis après ça va justifier l'avènement d'une monnaie globale, d'une gestion, d'une gouvernance mondiale du système économique et donc finalement là, de toute l'infrastructure mondiale. Vous avez le FMI ici qui a appelé pour justement faire ça, pour instaurer une monnaie globale. On essaye d'instaurer des mesures d'austérité sur tous les pays. On est finalement en train de vous dire, écoutez, il faut affamer la population pour nourrir les banquiers privés. Alors, c'est réellement ce qui est en train de se passer dans une multitude de pays. Vous allez voir des nouvelles ici pour le FMI qui veut monter les taxes de vente au Japon, le FMI qui pousse la Nouvelle-Zélande à balancer son budget, donc instaurer des mesures d'austérité, même affaire en Espagne, en Grèce, où les gens se révoltent aussi. Vous allez trouver un paquet de nouvelles comme ça, où c'est que justement, on essaie de créer cette crise d'une façon tellement grande que les gens n'auront pas le choix. On va demander même volontairement à ce qu'on a des sauveurs, alors des banquiers privés qui ont entraîné la crise économique, qui en ont profité, qui sont les récipiendaires justement de plans de sauvetage du gouvernement, qui est financé par l'argent des payeurs de taxes. Une crise qui a été causée par cette création de l'économie virtuelle qui est les marchés des produits dérivés, où ces banquiers privés-là, ces institutions financières-là se sont amusés comme dans un casino mondial. Alors, on a simplement misé l'économie mondiale, vos fonds de pension, vos économies, l'économie de vos pays. Alors, on a simplement gagé, tripoté l'économie réelle dans l'économie virtuelle qui a pris des proportions de plusieurs centaines de fois de celle de l'économie réelle. Tout ça s'est effondré, évidemment. C'est un château de cartes qui est basé sur absolument rien. Je veux dire, écoutez, là, je veux dire, avec 1 $, on a créé à peu près 100 ou c'est pas 1 000 $ de fausses valeurs, de papier bancaire un peu partout. Et puis, après ça, ben, vous avez ces mêmes acteurs-là, ces mêmes artisans qui ont créé cette crise-là, qui vont en profiter. Qui vont dire, ben, écoutez, là, donnez-nous le pouvoir global, le pouvoir mondial de contrôler l'économie, d'émettre une monnaie globale, d'avoir un droit de supervision et d'intervention globale qui va transcender les souverainetés nationales. Alors, c'est pas des histoires de conspiration, c'est ce qui se passe. Le FMI le demande, c'est dans leurs documents, c'est la même affaire dans l'ONU, ça a été déclaré par une multitude de chefs d'État, même par des journaux importants comme le Financial Times. Il n'y a pas d'erreur là-dessus, OK? Il n'y a rien de conspiration, c'est complètement documenté, noir sur blanc, dans les documents officiels de toutes ces organisations-là. Vous allez trouver, comme je vous disais, j'étais en train de commencer à dire, un dossier incroyable aussi dans celui de l'économie, où vous allez comprendre que vous allez voir le prix des métaux précieux exploser. J'ai commencé à en parler dans les économies, dans les émissions principales, dans les émissions précédentes, dans la section économie. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme à Fort Knox aux États-Unis, où vous avez le représentant républicain, mais qui est en fait libertarien, qui est absolument génial, Ron Paul, qui est en train de pousser pour qu'on est en train de recalculer les réserves réelles de lingots d'or, de propriétés d'or américaines à Fort Knox. Vous avez des nouvelles qui sont sorties comme quoi qu'on aurait des faux lingots qui seraient en circulation avec du tungstène à l'intérieur recouvert d'une couche d'or. Alors, ce qui se passe, c'est que ça a été rapporté, documenté par une personne qui s'appelle, c'est un certain monsieur Maguire, et qui est passé d'ailleurs en face du Congrès américain, et puis de comité là, de recherche là, aux États-Unis. Alors, tout ça est bien documenté, là. La personne a vraiment toutes les preuves pour appuyer ses dires. Et ce qui se passe, c'est que les pauvres personnes qui détiennent des titres d'or, alors si vous allez, vous, à la banque ou vous achetez sur Internet de façon électronique de l'or et puis que vous avez acheté de l'or qui serait supposément, ou de l'argent aussi, là, c'est la même affaire pour l'argent, je parle des métaux précieux ici, là, OK? Et puis vous possédez un titre qui vous dit propriétaire d'une certaine quantité de métaux précieux qui serait en réserve dans telle banque à Londres, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Eh bien, j'ai une grande surprise pour vous, probablement, que vous êtes assis sur rien. Vous avez un scandale qui n'est pas repris encore par les médias de masse, qui est absolument gigantesque, et c'est le fait que ces banques-là aient vendu plusieurs dizaines de fois, probablement 100 fois, la valeur de l'or qu'ils détiennent en réalité. OK? Alors, disons que ces banques-là est pour, je sais pas moi, là je dis un chiffre complètement aléatoire ici, disons que ces banques possèdent pour 100 millions de dollars d'or physique, okay, de l'or réel qui existe dans leur coffre, qu'on peut toucher, là. Eh bien, ils en ont vendu pour 100 fois plus. Alors, vous avez, selon les chiffres de McGuire, puis des informations qui sont fortement bien documentées et très précises à ce sujet, une quantité incroyable de personnes qui détiennent des titres d'or qui n'en possèdent pas réellement, OK? Donc, ils ont acheté de l'air tout simplement, alors ont acheté des fausses réserves. Alors, si vous allez, si tout d'un coup, du jour au lendemain, tous les propriétaires de bons, de titres d'or allaient se prévaloir de leurs droits pour prendre physiquement possession de cet or, vous verriez une situation assez catastrophique apparaître, c'est-à-dire que on se retrouverait avec probablement des quantités infimes d'or pour rembourser toutes ces personnes. On serait dans l'incapacité de le faire. Et vous verriez soudainement le prix des cours des métaux précieux complètement défoncer les plafonds. On parle des augmentations fulgurantes. Là, on pourrait facilement atteindre les 6 000 à. C'est complètement délirant ce que je vais vous dire là, mais ça paraît délirant, mais ça pourrait littéralement atteindre des taux comme 20 à 25 000 dollars américains l'once d'or. OK? Il se trouve qu'une fraction infime, je crois que c'est de 1 à 5 % aux États-Unis, je crois que ça doit refléter à peu près les mêmes niveaux globalement là. Vous avez entre 1 et 5 % seulement des gens qui ont acheté de l'or, qui détiennent physiquement cet or à la maison. Alors, heureux sont ceux qui ont pris possession physiquement de cet or. Allez juste pour le plaisir, pour le fun de le faire. Allez à la banque et puis essayez de prendre possession physiquement de votre or, si vous en avez. Et puis, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il va y avoir un problème, que c'est difficile. Vous allez être bien chanceux si vous allez être capable de l'avoir au moment même au comptoir. Vous allez sûrement devoir attendre quelques jours et peut-être même qu'on va vous revenir avec une nouvelle en disant qu'on va vous acheter, on va vous donner de l'argent, de papier, parce qu'on n'a pas, on n'est pas capable de trouver, on n'est pas capable de trouver de l'or. OK? Alors, ça, c'est un dossier absolument disgracieux, très important, et puis vous devez être conscient de ce qui se passe avec cette histoire-là. Vous allez trouver un tas de nouvelles importantes là-dessus. C'est sorti dans les médias. Aux États-Unis, ça a eu bien de la misère à traverser dans la blogosphère encore, dans la sphère francophone. Et puis, c'est malheureusement une réalité. Okay? Donc, à un moment donné, il faut être au courant de ça parce que là, si vous possédez des titres d'or, ben, vous êtes probablement assis, comme je vous disais, sur un gros zéro. Un gros zéro. Alors, allez voir ça. Faites une petite recherche avec Andrew McGuire et Andrew. Son nom de famille, McGuire, Maguire. OK? Faites une petite recherche Internet avec ça. Fait que manipulation, argent ou or, ou ben non, faites une petite recherche en anglais, genre gold, silver manipulation. Un peu fun. Allez voir ce qui va sortir. Allez voir ce qui se passe avec le COMEX, le COMEX. OK? Alors, voilà pour l'économie. C'est en masse. C'est beaucoup, beaucoup. Vous allez trouver pas mal tout ce que vous avez besoin de trouver dans ce lourd dossier de l'économie. On finit avec le Moyen-Orient et puis l'actualité rapidement. Moyen-Orient, je vais traiter de ce qui est le plus important. En premier, l'Irak. L'Irak, écoutez, La même affaire que le puits de BP, on est en train de vous faire un autre spectacle de feu et lumière, de vous, on est en train de vous garrocher des tonnes de poussière, de poudre dans les yeux. Je veux dire, c'est incroyable. On vous prend pour des idiots, chers auditeurs. On vous prend pour des caves. C'est incroyable. Pourquoi? Ben parce qu'on est en train de vous montrer un autre spectacle, comme quoi que là, les opérations de combat en Irak sont terminées. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on le fait depuis le début de 2003. On n'arrive pas à réussir à faire croire aux gens que là, les opérations de combat sont terminées. Alors, vous avez eu toute une panoplie de nouvelles qui ont été publiées cette semaine, même la Maison-Blanche. Écoutez, on a fait toute une fanfare avec ça. Bravo, bravo. On s'est donné des tapes dans le dos. C'est fantastique. La mission est terminée. Et tout ce qu'on est en train de faire réellement, c'est tout simplement de renommer cette campagne. Alors, au lieu de réellement retirer toutes ces troupes américaines, on les laisse là. Vous avez même des nouveaux déploiements. Vous avez des nouvelles que vous pouvez trouver là sur les nouvelles internationales, là. Comme quoi que vous avez des troupes aux États-Unis qui sont encore déployées en Irak, et vous avez au-dessus de 50 000 troupes américaines qui sont encore sur le terrain, qui demeurent sur le terrain. Et tout ce qu'on a fait, c'est que on a déclaré la mission de combat terminée et puis on les a renommés tout simplement. On les a renommés comme étant des forces de maintien de la paix. Ok, donc c'est tout simplement finalement on est en train de changer une fois de nouveau le titre de ces personnes-là. Alors Obama qui a même demandé aux Américains de tourner la page. Alors on va tourner la page. Ben oui, on va se tourner maintenant vers la nouvelle campagne de combat mensongère. Alors on va la renommer tout simplement des opérations de maintien de la paix et d'aide à l'Irak, alors que les États-Unis possèdent des dizaines de bases militaires permanentes en Irak, avec la plus grande ambassade, la plus dispendieuse, qui a coûté $1 million en plein cœur de Bagdad. Alors, si vous pensez que les opérations de combat sont terminées, oubliez ça. Pour la grande part, ça va être tout simplement donné à des contracteurs privés. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à cacher. Alors on donne ces contrats-là à des compagnies militaires privées. Alors on n'a pas besoin de déclarer ces gens-là comme Blackwater, Dyncor, vous avez Halliburton. Alors vous avez une panoplie comme ça de firmes privées. Alors comme je vous dis de façon régulière, la guerre en Irak est littéralement moitié-moitié privée et risque de devenir encore plus privée maintenant qu'on a... On est en train de vous faire croire que là, c'est terminé la guerre. Là, hein? Donc, il n'y en a pas de problème. Alors, ce pauvre Obama, quel menteur incroyable. Vous avez des nouvelles aussi qui parlent des attentats qui continuent d'augmenter dans ce pays-là. Alors, vous voyez aussi des opérations de déstabilisation dans le pays assez importantes. Un article ici d'un soldat qui a déclaré dans les médias que finalement les têtes militaires américaines ont simplement demandé aux soldats de tuer de façon aléatoire. Alors il disait que ça a été dit dans les années courantes, alors les années 2007. Que si vous entendez un coup de feu alors que vous êtes dans les rues, de commencer à ouvrir le feu et puis de poser des questions après. Alors, vous commencez à tirer partout, tout simplement. Alors ça a été révélé. Ça vient de la bouche même d'un soldat américain, alors imaginez. Vous avez des utilisations d'uranium appauvri et d'agents chimiques. Oui, on utilisait des armes chimiques, hein, ouais, l'OTAN et puis les États-Unis. Aux États-Unis, ben pas l'OTAN, en fait, c'est les États-Unis, et avec l'aide des soldats britanniques, on a utilisé des armes à uranium appauvri, donc c'est radioactif, et puis là, on se retrouve avec des problèmes de cancer, des problèmes de leucémie, de déformation génétique, très importante. Ça, c'est absolument grave, et puis, écoutez, il faut avoir ça à la tête, il faut comprendre ce qui se passe, alors c'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà pour l'Irak. Et puis pour terminer par rapport à ça, j'avais peut-être une petite annonce à vous faire qui est assez intéressante pour les personnes qui veulent en apprendre plus. Alors c'est pas pour faire tendancieux ou quoi que ce soit, ou être raciste ou être antisémite, mais vous devez comprendre que derrière la guerre en Irak se trouvent ce qu'on appelle les néocons, hein, les néoconservateurs. Et puis ce mouvement-là est très mal compris. est très mal compris, puis pourtant est très bien expliqué par des personnes très bien documentées, très bien recherchées, des personnes qui ont écrit des documents et puis des livres vraiment, je dirais, à découvrir, en tout cas, là, pour pas influencer votre jugement, mais je veux dire, des informations de béton, quoi. Et puis, vous avez ici un article du Haaretz qui parlait que justement la guerre en Irak a été conçue par 25 intellectuels néoconservateurs et puis que la plupart d'eux étaient juifs. Alors, ben écoutez, ça c'est des faits. Vous avez les photos. Vous allez voir les têtes les plus importantes du mouvement néoconservateur qui étaient derrière Bush. Et vous allez comprendre que la plupart de ces gens-là qui, finalement, qui ont façonné cette guerre en Irak, qui l'ont lourdement influencé, sont en grande partie, vous avez des gens qui ont carrément des doubles nationalités israéliennes et américaines. Et vous avez plusieurs d'eux qui sont, bon, de ricochet, israéliens, juifs, sionistes. OK? Alors, ça, c'est très important à voir. Encore là, je dis pas ça pour faire du racisme et puis discriminer contre un tel groupe ou tel autre groupe. Vous allez comprendre un peu dans l'actualité, vous allez trouver encore des nouvelles par rapport à la fameuse mosquée. Ground Zero qui continue à faire parler et puis c'est assez douteux toute cette histoire-là. Vous avez d'autres révélations par rapport à ça. Vous allez voir des gens qui essayent de fomenter des divisions. Alors, c'est la fameuse façon d'opérer, hein, traditionnelle. Alors, on divise pour mieux conquérir, pour mieux contrôler la population. Alors, vous avez ces pouvoirs israéliens sionistes qui essayent de faire en sorte que vous ayez les chrétiens et puis les musulmans qui se prennent à la gorge, qui se partent une guerre mutuelle et qui laissent finalement derrière eux, dans le sillon dominant, les Israéliens sionistes. Alors, je pourrais dire juifs sionistes. C'est pas tout, évidemment, comme je dis, les juifs. Faut faire attention. Faut pas faire des amalgames et puis faire des généralisations. Mais ceux qui sont malheureusement à la tête du mouvement néoconservateur, à la tête de l'État d'Israël, sont des gens hautement nuisibles, sont des criminels. Vous avez plusieurs criminels de guerre là-dedans, des psychopathes. Et puis, vous devez comprendre que c'est ces gens-là aussi qui contrôlent les médias aux États-Unis. Puis ça, c'est pas non plus une affirmation à prendre à la légère. Et puis je dis pas ça non plus à la légère. Allez faire le tour d'Internet là. Faites des petites recherches à voir qui contrôle les médias américains. Allez voir les têtes, les noms. Allez voir les noms, les propriétaires. Ok? Je dirais même pas les noms, parce que je ne veux même pas, t'sais, vous gâcher la surprise. Allez voir ceux qui contrôlent les médias, ceux qui contrôlent Hollywood, en grande partie, sont des juifs sionistes. Okay? Alors, ça, c'est difficile à dire. Les gens vont avoir peur de parler de ça parce que vous pouvez perdre votre carrière, vous pouvez perdre votre réputation. On peut même vous tirer une balle dans la tête pour dire des affaires comme ça. Ça fait très mal. Sauf que c'est la triste réalité. Et je vous pose la question, moi j'ai rien de particulier contre personne, contre quelques groupes, mais pensez à la réaction qu'il y aurait si la majorité des médias américains, si la majorité des firmes de production hollywoodiennes étaient détenues par des islamistes. OK? Des musulmans. Demandez-vous si vous aviez un mouvement néoconservateur qui serait pourvu à la tête de 25 musulmans de très proéminents et très influents. Pensez à ça, comment que les gens réagiraient si on laissait ces choses-là se passer. Regardez la constitution du gouvernement d'Obama et puis du précédent de Bush et regardez le nombre de personnes qui ont des doubles nationalités israéliennes et américaines ou de personnes qui sont sionistes ou tout simplement juives. Vous allez voir les taux très, très, très disproportionnés par rapport à la quantité de ces personnes dans la population en général. OK? Alors, ça, c'est à voir. Et puis, je vais revenir plus en détail là-dessus la semaine prochaine. Parce que vous allez voir, j'en parlais la semaine passée, Ben, écoutez, là, je vais vous dire tout de suite, là, vous avez des articles à aller voir, là, justement, la crédibilité de Wikipédia qui est menacée par les sionistes. Je parlais des campagnes qui ont été mises sur pied pour éduquer les gens, pour comment modifier les entrées de Wikipédia. Alors, on parle d'activités subversives, OK, littéralement. Alors, ça, c'est la même affaire qui se produit aussi avec d'autres secteurs, comme le fameux culte du réchauffement climatique, où on a altéré plus de 5 000 articles sur Wikipédia pour enlever la mention de la période chaude médiévale entre les années 1000 et 1200 environ. Alors, voyez que Wikipédia est sous attaque de ces grands lobbies-là, autant du réchauffement climatique que le lobby sioniste, OK? Alors, allez voir ça, et puis vous allez voir aussi d'autres nouvelles qui sont sorties cette semaine. Incroyable. Alors, on dit, oh non, on veut pas d'une mosquée musulmane à Ground Zero, bla, bla, bla, on fait peur aux gens avec ça, alors que vous avez des outils comme Mégaphone aussi, qui est un outil pour les gens qui s'en va sur les sites. Et quand vous arrivez sur un nouveau site, vous avez un sondage. Si c'est permis, ben là, le truc, le Mégaphone, c'est un programme Internet, en fait, c'est un programme informatique qui va faire en sorte que le programme va aller voter automatiquement pour en faveur du sondage en faveur d'Israël, OK? Donc, on manipule partout sur la blogosphère, sur Internet, les données comme ça, les entrées sur Wikipédia. Vous avez ensuite des articles qui sortent où on dit que Hitler aurait eu du sang juif. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vraiment important. Sauf que ça a fait dresser le cheveu sur la tête, justement, des juifs sionistes. C'est absolument incroyable de voir ça. On a beaucoup répliqué par rapport à ça. Apparemment, qu'on aurait trouvé des informations de DNA, donc de l'ADN d'Hitler qui appartiendrait à il y aurait des souches africaines et puis juives. Et puis après ça, ben on pointe tout le temps le doigt contre les musulmans. Vous avez Pamela Gayler qui est en train de créer une islamophobie aux États-Unis, est en train de complètement faire paniquer les gens, faire halluciner les gens avec l'islamique. Alors que, écoutez, vous avez ces gens-là qui, de leur côté, ne se gênent pas, eux, pour faire de la propagande absolument honteuse, devrais-je dire. Ici, une nouvelle qui parle du FBI qui a payé un informateur et puis qui a donné 97 000 $ pour préparer une attaque à la bombe d'une synagogue dans le Bronx. Alors, voyez un peu comment que on fait des fausses attaques comme ça, puis après ça, on les blâme sur des musulmans. Apparemment, on a entendu des coups de feu proches du centre islamique culturel, proche de Ground Zero. Alors, vous avez le FBI qui se mêle de ça. Alors, on essaie de démoniser encore plus l'islamique par rapport à ça. Alors que vous avez des nouvelles en Israël, où c'est que vous avez l'État d'apartheid israélien, dont son ministère de l'Éducation qui a approuvé des écoles pour les Blancs seulement, alors les Israéliens seulement. Alors on fait de la ségrégation là-bas. Alors voilà pour le racisme. Alors si vous voulez accuser les gens qui critiquent Israël de racistes et d'antisémites, ben regardez ce que ces gens le font. Il faudrait peut-être être juste, hein? Vous avez ici un guide d'un rabbin. Alors j'ai le lien ici d'un guide d'un rabbin pour comment tuer les non-juifs. Okay? Alors ça aussi, ça a fait toute ça a soulevé tout un tollé en Israël. Alors, vous avez ici d'ailleurs une autre nouvelle qui a été publiée. Ici, c'est de Financial Times. Alors, très important. Alors, un rabbin qui a appelé pour l'extermination des Palestiniens. Okay? Donc, on a appelé les Palestiniens une plaie, okay? Une plaie sociale, et a appelé pour finalement à ce que ces Palestiniens périssent, okay? D'un virus ou quoi que ce soit, là, tout simplement. Alors, on a appelé à l'extermination, carrément, si vous voulez, au génocide en mots cachés du peuple palestinien. Vous avez même Netanyahou qui a été obligé de se distancer de ça, OK? Donc, et puis là, ben, on a rapporté un autre rabbin ici, Yosef, qui a appelé Abbas un maléfique haïsseur d'Israël. Alors, vous voyez là, les mots qui sont utilisés, mais ça, on ne parle pas de ça dans les médias. Alors, on parle juste des méchants musulmans. Vous allez trouver des nouvelles aussi du Mossad, donc des nouvelles sur Global Research et sur d'autres médias. Le Mossad qui est impliqué dans l'espionnage en Amérique, aux États-Unis, de façon très importante. Donc voilà quoi, c'est à voir. Les États-Unis qui ont envoyé en aide directe en Israël environ 114 millions de dollars, tout cumulé. Et ben c'est ça, vous devez comprendre que les Juifs qui suivent le Talmud, parce que c'est vraiment cette religion qui est toxique, le Talmud, qui contrôle les médias aux États-Unis, C'est un fait, OK? C'est pas d'être antisémite de le dire, c'est un fait. Allez voir qui détient les médias. Et ça explique pourquoi les votes en guerre constants sont là, publient des nouvelles anti-Iran contre tous les ennemis d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont colporté les mensonges des armes de destruction massive de l'Irak, OK, parce que c'est un ennemi perçu d'Israël, OK. C'est pour ça que aussi on essaie de vous vendre de nouveau une guerre contre l'Iran, parce que tous ces médias-là sont là pour soutenir les intérêts d'Israël, OK. Et puis en terminant, je vais vous inviter à lire un livre très important. En fait, il y a deux livres, mais il y en a un ici qui est très important, qui explique les origines historiques, religieuses et économiques du Nouvel Ordre mondial, qui est écrit par Michael Collins Piper, qui s'appelle The New Babylon, Those Who Reign Supreme. Alors, vous avez les liens, un livre hyper bien documenté qui va vous expliquer tout ça, l'histoire incroyable de l'Empire Rothschild, les nouveaux pharisiens. OK? Et puis, vous allez comprendre l'origine exacte, réelle du nouvel ordre mondial. Alors, ce n'est pas une histoire de conspirationniste. Et puis, c'est peut-être pas exactement ce que des gens comme Alex Jones vous ont dit par rapport à ça. Alors, allez lire ce livre-là, absolument incroyable. Et vous avez aussi une critique ici de Stephen Jay Signoski qui a écrit une critique d'un livre qui a été publié par Justin Weiss, un Français, un spécialiste de la politique américaine, de la politique étrangère américaine, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le mouvement des néoconservateurs et puis de sa nature juive. Alors, écoutez, là, c'est détaillé, les photos documentées à l'os. Je veux dire, vous devez comprendre cette pièce importante du casse-tête pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis puis pourquoi que, il se passe des choses au Moyen-Orient. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. On en a couvert en masse. On va se retrouver la semaine prochaine avec le reste des nouvelles du Moyen-Orient et puis de l'actualité et puis de l'État policier. Alors moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginal pour L'Autre Monde. Portez-vous bien. N'oubliez pas de diffuser, de porter les liens des nouvelles partout de L'Autre Monde, de YouTube, sur tous les réseaux que vous avez. Et puis, je vous en remercie d'avance. Alors, portez-vous bien. Ciao! Thank you.